Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Je vous ai préparé une belle sélection de musique gratuite. Ben enfin, je triche un peu. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, donc je vous refais passer des pièces que vous avez déjà entendues à l'émission. Mais c'est pas grave, c'est toujours bon. Donc, on va débuter cette semaine avec un artiste français du nom de Métastase. Je vous fais passer sa pièce In Dub We Trust. C'est sur le net label français LCL. Ensuite de ça, du Portugal, on va entendre Motown Junkie avec sa pièce de Radioactive Rats. Ça, c'est sur Phonotactics. Donc, sans plus attendre, on débute Web Music avec Métastase. continued their riot, stampeding with such force and distinctness that I could finally assign to their motions a definite direction. C'était Motown Junkie avec sa pièce de Radioactive Rats. Donc, Motown Junkie qui vient du Portugal. C'était sur l'excellent net label Phonotactics. Avant ça, on avait débuté l'émission avec Métastase, donc un français, avec sa pièce In Dub We Trust. C'était sur le net label LCL. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. C'est tout du téléchargement gratuit et légal. Souvent, c'est sous licence Creative Commons, Copyleft ou tout simplement dans le domaine public. Donc, je vous invite à télécharger les pièces et à partager avec vos amis. C'est le plus beau commentaire que vous pouvez faire aux artistes. Donc, c'est de partager la musique. C'est là pour ça. Donc, pour ça, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous allez avoir accès à tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Nous, on va poursuivre avec un artiste français qui s'appelle The E-Sound Project. Je vous fais passer la pièce Claustrophobia. C'est sur Revolution Sound Records. Ensuite de ça, sur un autre net label français du nom de Fresh Pulp Records, vous en entendez souvent à l'émission. On va entendre Fingounet avec sa pièce Ending. C'est sur son album Various Personality. Donc, pour tout de suite, on écoute The E-Sound Project. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL en compagnie de Simon Roy. Vous venez tout juste d'entendre Fingounet, un Français, donc avec sa pièce Ending. C'est sur son album Various Personality. C'était sur le net label Fresh Pulp Records. Avant ça, on entendait The E-Sound Project avec la pièce Claustrophobia. The E-Sound Project, ça nous vient de la France. C'était sur Revolution Sound Records. Donc, on va poursuivre avec une dernière pièce peut-être avant la pause. Il s'agit de Sombre Concern, la pièce Apollo Swing. C'est sur IVDT. C'est un net label qui vient de Oakland en Californie. Donc, tout de suite, Sombre Concern. We'll be right back. alors ne t'avise pas de te prendre pour lui. Noctambule, opiumane et lesbienne volage. Mireille avait vécu les années folles sans contraintes ni tabou. Pensez depuis toujours que va de mon cœur, nature des modes et des idées reçues. Le numéro de printemps de Nuit Blanche est actuellement en kiosque et en librairie. Nuit Blanche, le magazine littéraire fait à Québec. Des collaborateurs et des lecteurs partout au Québec. Abonnez-vous au 692-1354 ou à nuitblanche.com. Vous écoutez C'est carré, 89, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait Sombre Concern avec sa pièce Apollo Swing. C'était sur le netlabel IVDT, un netlabel qui nous vient de Oakland, en Californie. On va poursuivre avec un artiste allemand du nom de Sick E. C'est sur le netlabel Music Artistry Recording, un excellent netlabel qui ont des trucs vraiment intéressants. Donc ensuite de ça, ça va être toujours de l'Allemagne, Zengineers, qui sont aussi sur le netlabel Music Artistry Recordings. Donc on va entendre la pièce The Wild par Zengineers. Donc pour tout de suite, c'est Sick E. Thank you. drum and bass vraiment planant par The Engineers. Avant ça, c'était Sick E avec sa pièce Bond Music. La pièce de The Engineers s'appelle The Wild. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur le netlabel Music Artistry Recordings, un netlabel qui vient de l'Allemagne. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, je suis toujours ouvert. Vous pouvez m'appeler au 418-640-1586. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez toujours envoyer un courriel à webmusique@gmail.com ou si vous suivez sur Twitter, envoyez un message personnel. Ou c'est ça, j'ai pas mal de façons de me rejoindre, donc ça me fait toujours plaisir d'avoir un peu de feedback, puis de répondre à vos questions. C'est, comme je vous dis, c'est toujours un plaisir. Donc, on va poursuivre avec un artiste de Barcelone ou peut-être du Népal, on ne sait pas trop, il s'appelle Negat. Je vous fais passer sa pièce « Nomas de lo mi mismo ». Donc, c'est sur Subversive Media, un netlabel qui vient de Barcelone en Espagne. Ensuite de ça, sur Mimi Records, je vous fais entendre Cubic, un artiste du Portugal. Je vous fais entendre sa pièce Chicken's Death. Donc, pour tout de suite, on écoute Negat. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love

C'était Cubic avec la pièce Chicken's Death. Cubic qui nous vient du Portugal, c'était sur Mimi Records. Avant ça, on entendait de Barcelone ou du Népal, c'est selon vous décidez. Donc, on entendait Negat avec sa pièce Nomas de lo mismo. C'était sur Subversive Media, un net label qui vient de Barcelone en Espagne. Ben, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous ai réservé une pièce excellente pour terminer l'émission. C'est une pièce de Pigeon and Crazy Porridge Makers, la pièce Triptych. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Ça, c'est sur le net label Clinical Archives. Si vous n'avez pas déjà fait un tour sur la page de Clinical Archives, vous manquez vraiment quelque chose. Ils ont des trucs vraiment, mais vraiment intéressants. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le monde du net audio. Ils ont des albums pour pas mal tous les goûts. Ça reste quand même assez expérimental, mais tout de même, ils ont vraiment des trucs vraiment intéressants. Moi, je vous recommande d'aller faire un tour de leur côté. Avant de partir, ben, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.org pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Vous avez aussi accès à la balado-diffusion, puis à peu près tout ce qui concerne l'émission est là. Donc, ben, c'est ça. Je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Musique. Puis nous, ben, c'est ça. On se laisse avec Pigeons and the Crazy Porridge Makers, la pièce Triptych. Bonne nuit. Thank you.